Je connais deux sortes d'amour très distincts, très réels, et qui n'ont presque rien de commun, quoique très vifs l'un et l'autre, et tous deux différents de la tendre amitié. Tout le cours de ma vie s'est partagé entre ces deux amours de si diverses natures, et je les ai même éprouvés tous deux à la fois. Car, par exemple, au moment dont je parle, tandis que je m'emparais de Mademoiselle de Vulson si publiquement et si tyranniquement que je ne pouvais souffrir qu'aucun homme approchât d'elle, j'avais, avec une petite Mademoiselle Gothon, des tête-à-tête assez courts, mais assez vifs, dans lesquels elle daignait faire la maîtresse d'école, et c'était tout. Mais ce tout, qui en effet était tout pour moi, me paraissait le bonheur suprême. Et, sentant déjà le prix du mystère, quoique je n'en susse usé qu'un enfant, je rendais à Mademoiselle de Vulson, qui ne s'en doutait guère, le soin qu'elle prenait de m'employer à cacher d'autres amours. Mais, à mon grand regret, mon secret fut découvert, ou moins bien gardé, de la part de ma petite maîtresse d'école que de la mienne, car on ne tarda pas à nous séparer, et quelque temps après, de retour à Genève, j'entendis, en passant à Coutances, de petites filles me crier à demi-voix « Gothon, tic-tac, Rousseau !» C'était en vérité une singulière personne que cette petite Mademoiselle Gothon. Sans être belle, elle avait une figure difficile à oublier, et que je me rappelle encore, souvent, beaucoup trop, pour un vieux fou. Ses yeux, surtout, n'étaient pas de son âge, ni sa taille, ni son maintien. Elle avait un petit air imposant et fier, très propre à son rôle, et qui en avait occasionné la première idée entre nous. Mais ce qu'elle avait de plus bizarre était un mélange d'audace et de réserve difficile à concevoir. Elle se permettait avec moi les plus grandes privautés, sans jamais m'en permettre aucune avec elle. Elle me traitait exactement en enfant, ce qui me fait croire, ou qu'elle avait déjà cessé de l'être, ou qu'au contraire, elle était encore assez elle-même pour ne voir qu'un jeu dans le péril auquel elle s'exposait.